Chapitre 19. Pauvre Indienne. Menet Ouillacon à Adrien Dubreuil. Montréal, mois des neiges, 1837. Iouamé, Mioua. Mot à mot, amour à moi ou mon amour. Je veux m'entretenir avec le toi qui vit dans ma pensée, dont sans cesse les yeux de mon esprit voient pour l'adorer la noble image. Que je te parle donc au moyen de ces signes mystérieux que les bons visages pâles ont enseignés aux miens, dès le temps de mon illustre aïeul, Pontiac, en leur mettant par vos longues robes noires, les prêtres catholiques, ta langue dans la bouche, ta religion dans le cœur, oui, que je te parle au moyen de ces signes muets, qui disent tout, puisque ton absence, comme l'épaisseur d'une montagne, te cache aux yeux corporels de Menet Ouillacon, et que, comme la gelée d'hiver, elle a fermé ses lèvres. Pendant le silence des nuits, mon esprit inquiet songe à toi, et comme la surface des eaux, il réfléchit ta présence. Pendant la chute du jour, je cherche celui qui a mon amour. Celui que je n'ai jamais eu le bonheur de contempler au rayon du soleil, je le cherche et ne le trouve plus. Son ombre même m'a quitté. Puisses-tu ne pas trop languir là où Menet Ouillacon t'a laissé, il y a bientôt 6 lunes, et puisse cette feuille plus légère que la feuille du bouleau, cette feuille à laquelle je confie le chagrin et l'espoir de mon cœur, te parvenir fidèlement, Iouamé Mioua. Ouvre à mon récit, Aetigush Useta, en français bon. Il est l'heure que tu remontes avec la fille des Sachem d'Adoésis le courant de sa vie, car si ton amour est grand, généreux, le sien est grand aussi comme le chêne aux verts ombrages, sous lequel il fait bon se reposer, il est transparent comme l'onde de la source. Menet Ouillacon sent son âme lourde, elle l'ouvre à celui qu'elle aime, afin que le ciel devienne bleu et pur pour elle et pour lui. Je veux m'entretenir avec toi, qui vis dans ma pensée, dont sans cesse les yeux de mon esprit voient pour l'adorer la noble image. En ma famille, l'illustre famille de Pontiac, vit la tradition du beau. On y a toujours aimé, et on y aime toujours ardemment la race française. Elle nous avait relevé, nous jadis, les possesseurs heureux, fiers mais déchus, de cet immense pays. Pourquoi nous a-t-elle abandonnés? Dit Iouamé Mioua. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi nous avoir laissés sans défense à la merci des habits rouges et des longs couteaux? Si vous eussiez voulu, nos lacs poissonneux, nos prairies, nos bois giboyeux, nos terres abondantes en trésors que vous savez utiliser, comme jadis le surrapporte-t-on les hommes de notre origine, tout ce que nous possédons serait à vous. Mes ancêtres le disaient, mes ancêtres le désiraient, mes ancêtres ne mentaient pas. Leur langue n'était pas fourchue. Les Sachem Nadoessis n'ont pas renié ce magnifique héritage. Ils aiment ton Dieu, sans le bien connaître, car le temps a roulé et roulé. Les arbres ont germé, grandi, ils sont tombés de vieillesse dans la forêt. On ne vous a pas revus, ni ceux qui nous montraient à servir, à votre manière, le maître de la vie. Sur les bords du lac supérieur, les rivières pleurent leur départ. Dis-moi, Iouamé Mioua, que ces pleurs auront une fin. Je veux m'entretenir avec toi, qui vis dans ma pensée, dont sans cesse les yeux de mon esprit voient pour l'adorer la noble image. Écoute mon discours. Nous avions planté nos loges près du fort Williams, c'est-à-dire sur le lac supérieur, pour y échanger des pelleteries contre des couvertes, de la poudre et des munitions. Un jour, j'étais seul dans le wigwam. Mon frère et notre père faisaient la traite à la factorerie. Un homme blanc entra. Sa parole était douce comme le miel, sa langue celle des Nitigish. Il était si beau, son regard avait une telle douceur, sa voix une suavité si grande, que je le crus bon. « Je t'aime, » me dit-il, et moi, entendant cette musique harmonieuse, comme après une chaude journée le frémissement de la brise dans le feuillage, moi, je ne pus lui répondre, je ne t'aime pas. Il m'avait troublé, je songeais à lui toute la journée quand il fut parti. Mon frère et mon père ne revinrent pas le soir. Je m'endormis en rêvant à cet homme blanc que j'avais vu. Tout à coup je m'éveille, on m'emportait. Je veux me débattre, m'échapper, fuir. Des bras de fer me tiennent captive. À la clarté de la lune j'avais reconnu le visage pâle, dont la visite m'avait ému le matin. Il m'entraîna loin, loin, cherchant à m'enivrer avec sa parole d'amour. Mais je n'étais pas libre. La fille des Sachem d'Adoessis n'entendait plus le langage de son ennemi. En liberté, elle ne lui eut rien refusé. Prisonnière, elle eut soutenu jusqu'à la mort son droit de se donner. Je ne connaissais pas Chedash ni Tigouche. Le mauvais français, c'est ainsi que les Indiens du lac supérieur dénommaient Jésus le mangeur d'hommes. Quand j'eus vu que son existence était sombre, comme l'eau qui coule sous les noirs sapins, quand j'eus vu que, comme le carcajou, il égorgeait pour sucer le sang de sa victime, je le méprisais, et pourtant je l'avoue, puisque tu dois lire dans mon sein, Iwame Miuya, je ne pus me défendre de l'aimer encore. Explique cela, toi, qui sais tout. J'étais son esclave et il me respectait. Je ne pouvais rien contre lui, et il obéissait à mes ordres, à mes moindres désirs. Pour moi, les plus brillants zoos à poumes, les plus riches pelletries, les parties les plus délicates du gibier ou du poisson qu'il prenait, ces gens, sa bande, me traitaient en ota, c'est-à-dire en reine. Un seul, peut-être, me regardait d'un œil étrange. C'était Judas, son lieutenant, mais je n'avais d'ailleurs pas à me plaindre de lui. Rusé comme le renard, il cachait son plan. Mene Ouyakon sent son âme lourde, elle l'ouvre à celui qu'elle aime, afin que le ciel devienne bleu et pur pour elle et pour lui. Je veux m'entretenir avec le toi qui vit dans ma pensée, dont sans cesse les yeux de mon esprit voient, pour l'adorer, la noble image. Dans la troupe de Sheda, Nitigouche, il y avait une femme d'adolescence, nommée la Perdrix Grise, que la capitaine avait aimée, mais délaissée pour moi. Malgré la jalousie que je lui inspirais, cette femme m'était dévouée, car j'étais grande maîtresse du lieu danse. Entre parenthèses, ces danses sont des sortes d'associations secrètes, dont les chefs, Ogeumo, exercent le puissant suprême sur les affiliés, à laquelle la Perdrix Grise appartenait dans notre tribu. Bientôt même, remarquant que jamais Sheda Nitigouche ne dormait avec moi, elle me porta de l'attachement et m'avertit un soir que Judas avait résolu de profiter de l'absence momentanée de son capitaine pour se glisser sous ma peau d'ours. « Tu le connaîtras, Iwame Miwa, et tu l'aimeras aussi comme Mene Ouyakon. Je veux m'entretenir avec le toi qui vit dans ma pensée, dont sans cesse les yeux de mon esprit voient pour l'adorer la noble image. » Comme après un long hiver, l'alouette attend avec impatience le velours du soleil, ainsi Mene Ouyakon attendait le retour de Shungush Unseta. Alors son ennemi, Mejuda, veillait. Comme le vautour fond sur sa proie, tandis qu'elle était à la pêche, il fondit sur elle, lui lia les pieds et les mains et la transporta dans cette île, où, Iwame Miwa, elle a eu le bonheur de te voir et de t'aimer. Mene Ouyakon sent son âme légère. Elle l'ouvre à celui qu'elle aime afin que le ciel devienne pour lui bleu et pur comme il l'est pour elle. Là, les jours de la fille des sachems d'Adoessis devaient être troubles, mais le maître de la ville les fit clairs et sereins. Elle t'a aperçu, mon frère, et au soleil de tes yeux, son cœur s'est illuminé, ainsi que la forêt s'embrase et flamboie au contact de l'étincelle, sans tâche encore purifiée en son esprit de son amour, indigne par le feu que tu as allumé en elle. Elle aurait été joyeuse d'être ton épouse devant ton Dieu qui est le sien et qui a proclamé l'égalité des races. L'amour de Mene Ouyakon est immense comme les territoires de l'Ouest, inépuisable comme les eaux du Grand Lac. Cet amour, il est à toi, tu le sais. Aussi bien il te faudrait douter de la nourriture que tu manges, du breuvage que tu prends, que de la tendresse qui gonfle mon cœur pour toi. J'en suis fière, j'en suis heureuse. Je l'annoncerai au guerrier Nadoessis, dût-il me faire souffrir mille tortures. Mais toi, ô Iwame Miwa, as-tu bien sondé ton amour? Sa profondeur t'est-elle connue? Les écueils dont il est environné, les as-tu tous explorés? N'en est-il pas un inobservé par toi et sur lequel viendra échouer le canot qui porte notre commune destinée? J'ai peur. Pardonne, ami, j'ai peur. Le soleil m'effraie, mon passé, mon ignorance, la couleur de mon visage. Ah, je n'aurais fait qu'un rêve. Mene Ouyakon sent son âme lourde. Elle l'ouvre à celui qu'elle aime afin que le ciel ne devienne pas pour lui sombre et nuageux comme il l'est pour elle. Hélas, oui, je me sens effrayé. J'ai vu vos villes merveilleuses, vos palais de toutes sortes, vos temples superbes. J'ai vu ce que vous appelez la civilisation. Et j'ai pleuré la honte de mon étonnement, de mon admiration. Que sommes-nous, misérables peaux rouges, à côté de vous, si grand, si puissant, que j'en suis à me demander quelle peut être la supériorité de ce Dieu, devant qui vous courbez la tête. Non, non, jamais Mene Ouyakon, la fille des sachems Nadoessis, ne sera l'épouse d'un visage pâle. Il la mépriserait, pourrait-il faire autrement? Et Mene Ouyakon ne saurait supporter un affront de celui qu'elle aime. Je sors tristement de ce doux songe. Mais si tu le veux, Iwame Mene Ouyakon sera ta servante. Elle demeurera près de toi. contente de t'aimer, de t'admirer en silence, contente d'entendre ta voix, de recevoir tes commandements, de soigner la Vierge blanche qu'un jour tu conduiras à ta couche. N'aie point sourire dédaigneux à mon langage. Je puis aimer celle que tu aimeras. L'amour de la fille indienne est plus grand que celui de la fille au visage pâle. Souviens-toi, je suis parti pour te chercher secours. Le dieu de notre culte m'a protégé. En route, j'ai trouvé ton esclave, celui dont tu déplorais la perte. Il m'a aidé à échapper aux griffes de Judas, qui me poursuivait, et ensemble nous avons gagné le village de Sault-Sainte-Marie. J'y ai vu cet excellent Canadien que tu m'avais recommandé, Ota, le père Rondeau. Sa loge nous a été offerte avec son cœur. C'est à lui que j'adresse cette lettre pour qu'il te la fasse parvenir. Il aurait voulu, Uyamemiwa, courir à ta délivrance. Il n'a pas rencontré d'alliés. Les longs couteaux ont refusé de marcher avec lui. Ils sont lâches pour seconder les intérêts des autres, brillants comme le fer rouge pour les leurs. Va, ma fille, m'a dit Rondeau, va trouver l'Onontio, le consul, des Français à New York. Lui seul pourra servir notre ami. Je suis parti, laissant avec lui ton serviteur. Peut-être ont-ils réussi à t'arracher à la captivité, car ils devaient tenter de réunir des auxiliaires et de diriger une expédition contre les apôtres. Ah, si les succès ont accompagné leurs pas, si tu es libre, je ne demande plus au ciel que de te voir une fois encore et mourir après. Mais te verrai-je? Non, non, non, Uyamemiwa, je ne te verrai plus. Il y a dans le fond de mon cœur quelque chose qui me le dit, et voilà pourquoi je veux m'entretenir avec le toi qui vit dans ma pensée, dont sans cesse les vœux de mon esprit voient pour l'adorer la noble image. Ah, que je voudrais te revoir, que je voudrais suivre cette feuille qui ira à toi, j'en suis sûr, et pourtant je ne sais qui te la portera. Écoute encore, que ton œil ne se fatigue pas à suivre cette voie où je laisse entière la piste d'un cœur qui t'aime et s'embaume de ton amour. Sur cette piste, tu recueilleras quelques-unes des fleurs que tu m'as offertes pendant ces courtes nuits où il m'était donné de te regarder, de te sentir, d'entendre ces accents dont mon oreille avide ne se serait lassée jamais. J'étais parti du Sault-Sainte-Marie et traversais le lac Huron pour me rendre à la ville habitée par le chef français. Lorsque je rencontrais au-dessous de Michilimackinac un Indien Nadoessis, il m'apprit que mon frère, désespérant de me retrouver, était à Montréal, chez un de nos parents, interprète pour la compagnie de la baie d'Hudson. Mon frère est prudent, il est sage, il est habile, mais Naouyakon résolut de le consulter. Émerveillé par ces vastes maisons flottantes qu'elle rencontrait sur le Saint-Laurent, ravi puis épouvanté par le mugissement de ces longs canaux qui marchent, conduits par le feu, sous une ondoyante colonne de fumée, se croyant transporté dans les lieux habités par le maître de la vie, à la vue de ces hautes cabanes, de ces populeux villages, de ce mouvement incomparable qu'elle distinguait sur les deux rives du fleuve, elle arriva à Montréal. Uyamemiwa, la fille des sachems Nadoessis, sent son âme lourde. Elle l'ouvre à celui qu'elle aime, afin que le ciel ne devienne pas pour lui sombre et orageux comme il l'est pour elle. Ici la douleur a tiré son voile sur ma radieuse journée. En présence des filles blanches, lumineuses comme la lune, parfumées comme les fleurs de nos bois, légères et gracieuses comme les biches, qu'est-ce qu'une malheureuse squaw? L'onde des fontaines m'avait fait croire que j'avais quelque charme. Vos miroirs me montrent si laide que je les évite. La teinte de ma chair est hideuse, mes cheveux sont durs et raides comme des flèches, mes joues sans rondeur n'offrent que des angles. J'ai la taille maigre et sèche. Mon plus beau costume est aussi disgracieux que mes formes. Je sens tout cela, j'ai horreur de moi-même. Mon Dieu, pourquoi cette distinction entre ma race et celle de mon bien-aimé? Uyamemiwa, tu ne reverras plus la fille des sachems Nadoessis. Elle n'était point faite pour moi. Non seulement son cœur n'a ni la vaillance, ni l'ardeur du tien, mais son esprit rampe comme la tortue, et celui de l'homme blanc s'élève, vole comme l'aigle des montagnes de roche. Menaouyakon veut s'entretenir avec le toit qui vit dans sa pensée, dont sans cesse les yeux de son esprit voient, pour l'adorer, la noble image. Le vent de la tempête souffle sur nous. Nitigushuseta, mon frère, qui réglait à Montréal une affaire avec notre parent de la compagnie, de la baie d'Hudson, a appris de la bouche de Menaouyakon qu'elle t'aimait. Il désapprouve notre amour. Sang rouge et sang blanc ne peuvent se mêler, dit-il. Je le pensais. La fille de Sachem Nadoessis restera une plante stérile. Plains-la, car son sort est bien cruel. T'avoir vu, t'avoir souhaité, t'avoir espéré s'éloigner volontairement de toi. Mais étais-je digne de ces délices, dont mieux vaut encore les avoir imaginées que d'avoir savouré leur réalité pour les perdre ensuite? Tu m'aimes sans doute, tu m'eusses aimé quelque temps, mais tu serais revenu aux femmes de ton origine. Rien de plus naturel, rien de plus juste. Adieu, comme ils disent ici, adieu, iwa me miwa. Va, sois heureux. Tu le mérites. Tu es beau, tu es bon, tu es brave. Mais Naouyakon priera pour toi. On lui racontait que des vierges se réunissaient et s'enfermaient dans une enceinte particulière pour implorer le maître de la vie en faveur de ceux qu'elles aiment. Mais Naouyakon leur demandera asile. Et si ses vœux sont exaucés, Iwa me miwa, la félicité te prêtera chaque jour son bras. Chaque nuit elle bercera ton sommeil. Adieu donc, encore adieu, Iwa me miwa. Je me suis entretenu une dernière fois avec le toit qui vit dans ma pensée, dont sans cesse les yeux de mon esprit voient pour l'adorer la noble image. Signé Mene Ouyakon. Un voyageur canadien portera cette lettre au saule de Sainte-Marie, et mon frère, auquel j'ai dit ton nom, s'apprête à partir pour te délivrer. Il y a des choses importantes à te révéler, ô Iwa me miwa, quand tu seras par-delà le grand lac salé. Rappelle-toi aux heures de loisir la fille de sa chaîne Adouessis, dont le cœur ne cessera qu'avec le souffle de battre pour le toit qui vit dans sa triste pensée.